temps de veille de Violaine Schwartz. Épisode 4. Une autre époque. Moi, je suis rentré chez Veille à 15 ans, comme grouillot. À l'époque, il y avait du travail. Quand je suis allé me présenter avec ma mère, ils m'ont prise tout de suite. Ils m'ont dit, si vous voulez venir demain, vous pouvez. Ensuite, j'ai grimpé les échelons. À 18 ans, j'étais agent de maîtrise, à 25 ans, cadre. À 30 ans, cadre supérieur. À l'époque, il y avait du travail. Il y avait les veilles, il y avait les LIP, il y avait beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde à la sortie de l'usine, à 5 heures, que ça bloquait les deux sens de l'escalier. Il y avait Kelton. Oh, Kelton, c'était nickel. Il y avait des grandes baies vitrées, c'était flambant neuf. Le contraire de Veille. Si ça n'allait pas chez Veille, on pouvait aller ailleurs. Il y avait aussi la Rodiaceta. Une autre époque. Mon père est mort, j'avais 13 ans. Ma mère a jamais travaillé, donc c'est moi qui ai assuré. J'avais pas le choix. J'étais une volante. Je faisais 5 à 6 postes dans l'atelier. C'était plus dur, mais c'était mieux payé. Je suis restée 24 ans dans le même atelier. Vous vous rendez compte? Et puis les machines sont parties en Tunisie, en Roumanie, et nous, ben, on est restés là. Mais moi, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré devant les journalistes. Il y a France 3 qui était venue nous filmer, mais j'ai perdu la cassette. Là, il y avait une machine. Là, il y avait une autre machine. Là aussi, des lignes de machines. Des lignes de vestons. Moi, j'ai travaillé 42 ans chez Veille. Regardez mes mains. Veille, usine de Chaillot, 33 rue de Chaillot. Direction, bureau et service administratif, réception et tri des vêtements terminés, vente, emballage, expédition, atelier de couture. Les filles, elles sont 47 par atelier. Et il y a 4 ateliers par niveau. Donc 47 x 4 égale 188 machines. 188 machines côte à côte, ça fait du bruit dans les oreilles. Du coup, je vais chez Le Torino tous les mois. Veille, usine de grande rue. 14 grandes rues. C'est la plus vieille entreprise. C'est pire que tout. Quand le doux monte, faut remonter tous les tissus dans les étages. Le bruit et la poussière. Le textile, ça fait énormément de poussière. Des petites fibres qui vous collent à la peau. On est rempli de poussière, même à l'intérieur. Et l'odeur. Parce que le fil trempe dans du pétrole. C'est pour le rendre plus souple. Mais ça pue dans la chaleur de l'atelier avec la vapeur du repassage. Il fait 40-45 degrés dans la presse. C'est épuisant. La vapeur, elle colmate la poussière sur les fenêtres. On voit plus au travers. Et la cantine, c'est une salle toute en longueur, avec un plafond très très bas. Le seul truc qui est bien, c'est les fiches rouges. Le travail pour les acteurs. Ça nous fait rêver. On se sent utile. C'est pour Jean Marais. C'est pour Bébel. C'est une fiche rouge, alors vous avez intérêt à travailler comme il faut, mademoiselle. Là, ils enclenchent pas la chaîne. On a le temps de s'appliquer. C'est souvent des trucs difficiles, des pieds de poule, des carreaux, des trucs qui demandent du temps. Ah, les acteurs, c'est un autre monde. Ils sont malins, les patrons. Ça fait de la publicité pour la firme. Bébel, il porte un costume qu'on a fait. Mais c'est dans quel film? Un costume vert, dans le nord de la France? Je vais téléphoner à Bébel pour savoir le nom du film. Allô, Bébel? Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Malheureusement, c'est pas souvent. Le reste du temps, c'est la chaîne. Chaque poste a son importance. Chaque poste a son importance. Et chaque poste a son importance. Et conditionne. Chaque poste a son importance. Et conditionne le bon fonctionnement de l'entreprise. Veille. Usine de Vesoul. De rue Larmet. Réception des tissus et... Faut que ça tourne, qui disait le chef. Comment il s'appelait déjà? Le gros ventru, là. Il vous empoisonne la vie des années dures en toute la journée et même la nuit en rêve. Et je me souviens plus de son nom. Regardez mes mains. J'ai été opérée du canal carpien des deux mains. Je coupais avec des gros ciseaux qui m'ont tout déformé. Je les ai gardés en souvenir. Elle n'existe plus, la maison Veille. Plus la peine d'y penser. Ma médaille du travail, c'est l'infirmière qui a été la chercher. J'y suis pas allée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille fêter quelque chose avec ces gens-là? C'est pas possible. Dommage, parce que c'était sympa. Monsieur Veille, il avait toujours une histoire drôle à raconter pendant la remise des médailles. Il y en a qui sont contentes. Il faut de tout pour faire un monde. Celui qui travaillait là-bas, c'est qu'il était obligé. Elle n'existe plus, la maison veille, et moi j'ai dit « bon débarras ». Faut croire que ça marchait pas très bien puisqu'ils ont fermé. Maintenant, tout vient de la Chine ou des pays limitrophes. Ils ont remporté le monopole. Mais je ne m'occupe pas de ces gens-là, ça m'est bien égal. Il y a eu quelques meetings. Je me souviens d'une grève qui a duré 15 jours dans les années 90. Il y en avait même qui couchaient sur place et tout. Mais moi, au bout de 2 jours, je suis reparti travailler. Parce que perdre 2 jours sur ton salaire, c'était déjà quelque chose. Je pouvais pas faire plus. Je suis désolée. C'est terminé, tout ça. On a déposé le bilan le 1er novembre 1998. On avait pourtant des sacrées machines, mais contre la main-d'œuvre bon marché, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a encore un endroit où il reste un morceau de veille. Ça n'a jamais été détruit, mais il n'y a plus rien dedans. C'est comme si on n'avait pas existé. Le temps de veille, de Violaine Schwartz, avec Véronique Alain, Élise Arpentinier, Sophie Doll, Mauricette Gourdon, Chantal Joblon, Pauline Bell, Sophie Bezard, Constance Carlet, Aurélie Nusillard, Violaine Schwartz, Jean-Claude Frissung, Étienne Launay. Bruitage, Sophie Bissantz. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Delphine Baudet, Yannick Magnien. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer et Pablo Valero. Réalisation, Laure Goroff. D'après Tableau de veille de Violaine Schwartz, publié aux éditions POL.